La communauté internationale exalte haut le dirigeant suprême Kim Jong-un. Le secrétaire général du Cercle d'études des Éducés de Grande-Bretagne a dit que l'amour du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il pour la postérité se fait constater toujours grâce au maréchal Kim Jong-un. La présidente du comité central de l'Union des femmes du Laos et le chef du club Togus Erzorig de l'association de taekwondo de Mongolie et autres personnalités de divers pays ont affirmé qu'ils ont vu l'avenir radieux de la Corée dont le bonheur des enfants épanouissant leurs talents grâce au maréchal Kim Jong-un. Dans son homepage d'Internet, le journal russe Komsomolskaya Pravda a présenté la conception de la postérité du maréchal Kim Jong-un qui n'épargne rien pour accorder l'amour paternel aux enfants en considérant les affaires pour la nouvelle génération comme les plus importantes de l'État. Le homepage d'Internet du Comité national nigérien d'études du kim-il-sunisme, kim-jong-ilisme a présenté les crèches et écoles maternelles pour orphelins de Pyongyang, berceau du bonheur et de l'amour au bord du fleuve des dons pittoresques, et d'ajouter. Partout en Corée sont construits des crèches, écoles maternelles, primaires et secondaires pour orphelins et palais des enfants grâce aux bienfaits du maréchal Kim Jong-un. Le comité péruvien pour la réunification indépendante et pacifique de la Corée a indiqué dans sa déclaration que le respecté camarade Kim Jong-un accorde tous ses bienfaits aux enfants en les considérant comme les plus précieux et que sa noble vertu émotionne tout le monde.